Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, eh bien, je suis de nouveau avec Rosalia, qui a bien voulu revenir. Elle n'a pas eu peur, elle a été contente d'être avec vous pour l'émission précédente, quand nous avons parlé de Jacques Brel. Eh bien, aujourd'hui, elle est revenue. Et alors, elle va nous parler de cinéma belge, parce qu'on n'en parle pas souvent. Et ce cinéma belga, pues un poco... Poco conocido, me parece a mí. Yo he hecho una ojeada a internet y realmente lo más reciente son artículos viejos. Y he encontrado uno del 2007 donde lanzan una película que es de 1999 en versión DVD y se llama Café Central. Entonces lo presentan como, ¡ay, me pone una cara que ni lo conoce! ¡Ay, qué gracia! No conoces, ¿no conoces? Pues eso fue el año pasado, por lo visto, una noticia grande. Entonces me hace mucha gracia porque, en fin, es muy poco. Bueno, pues nada. Entonces, el cine belga, pues ya lo empecemos a conocer, ¿verdad? Porque, claro, ha tenido ya... Il a gagné des prix au Festival de Cannes. Bueno, entonces eso es el no va más, ¿verdad? De la celebridad. Y muy bien. Entonces, digamos que el cine belga a lo mejor tiene el mismo problema que la literatura, ¿no? Exactement. La Belgique, évidemment, avec trois langues officielles, ben, c'est difficile de se mettre d'accord pour faire des films. Donc, ah, mais parce que vous avez trois langues, parce que généralement on pense à deux langues, mais la troisième, au fait, dites, rappelez-nous quelle est-elle. L'allemand. Et oui, il y a trois langues officielles en Belgique, donc il y a trois volets cinématographiques. Mais les plus importantes, c'est vraiment quand même le néerlandais et le français. Voilà. L'allemand, c'est vraiment une toute petite partie. Voilà. Mais c'est vrai que bon, pour faire des films... C'est pas facile, quoi. On est déjà un petit pays, donc ça divise encore tout en trois. Sí. O sea que la dificultad realmente es la división, ¿verdad? Porque hay una división cultural, que hay una cultura latina, una cultura no latina, digamos germánica, y después ya en idiomas ya en tres. Sí, bueno, pues hay que decir que realmente los belgas fueron los que empezaron con el cine. ¿Sabes, Rosalí, eso? No sabes. Pues un cura, el hombrito, que era al mismo tiempo artista, pues inventó una especie de linterna mágica que llamó el fantascope. Y entonces presentaba como fantasmagorías y llamaba la atención y así pues reunía a su gente antes de misa o después a lo mejor. Bueno, una maravilla, un trabajo muy bonito. Y era de Lieja. Se llamaba Le Père. C'est d'où je viens, ah, c'est ma ville. Vous venez de Liège, voilà, vous ne connaissez Liège, pas oui. L'abbé Étienne Gaspard Robert. Ah, ben ça, c'est pas bien, fallait... Voilà. Vous êtes de Liège et vous ne le connaissez pas. Bon, et puis, después, un physico-mathématico qui se llama Joseph Plateau. Mira tú qué nombre, porque el Plateau, fíjate, para un cine. C'est magnifique. C'est magnifique comme nom. Eso, pero era profesor en la Universidad de Gante. Y entonces inventó una cosa muy graciosa. Que permitía sintetizar, o sea, hacer una síntesis de movimientos y hacer como una especie de cine, ¿eh? Y eso fue en 1832. Ya era belga el señor, ¿eh? Porque ya estábamos en Bélgica, porque antes el otro no se sabe muy bien, 1797. Bueno, y realmente la primera película en París fue en 1895, ¿eh? Que fue La sortie des usines Lumière, que fue la primera película que se pudo ver en francés en Francia, y poco tiempo al año siguiente también en Bélgica. O sea, quiere decir que realmente Bélgica nunca estuvo ni atrasada ni nada, estaba muy presente en el cine. Bueno, yo he leído en algún sitio que el cine belga recibe subvenciones desde 1960, ¿es verdad eso? Será verdad, ¿verdad? Si lo dicen. Oh, oui, bien sûr, pourquoi pas. Bueno, pues muy bien. Bueno, pues entonces, a partir de ahí, Rosalía nos va a decir qué películas le gustan. Por ejemplo, si miramos realizadores, por ejemplo, ¿qué realizadores de películas serían... Para ti, importantes. Mais je pense que les deux plus importants sont les frères Dardenne, oui. Puisqu'ils ont remporté deux Palmes d'Or en 1999 pour Rosetta et en 2005 pour L'Enfant. Voilà, très bien. Donc je pense que c'est vraiment les plus connus. Et je veux dire, des noms de réalisateurs, les autres, je ne connais pas nécessairement leur très nom. Bien. Et des acteurs? Ah, les acteurs, bien sûr, Benoît Poulvorde, oui. Je pense que c'est le plus connu. Puis alors, on a d'autres, je ne sais pas si vous les connaissez, bon, Cécile de France, elle est quand même, elle est bien connue. Oui, Cécile de France, oui. Mais c'est une aristo? C'est une aristocrate? Non, je elle pense pas, comme ça. Non, elle vient de Namur. Ah oui, non, ah, pas oui. Du tout. Elle vient de Namur, ville francophone, par excellence. Exactement. Voilà, Cécile de France, c'est vrai. Jean-Claude Van Damme, ah, il faut parler de lui quand même. Oui, pourquoi? Vous avez l'air d'avoir quelque chose à nous dire là-dessus. Mais Jean-Claude Van Damme, c'est, je sais pas pourquoi, la personne de qui on se moque souvent sur Internet. Il a une façon bizarre, je veux dire, de faire des interviews, de s'exprimer. Enfin, il est marrant, on va dire. D'accord. Mais bon, des fois, on est un peu gêné de dire qu'il est belge. Ah, d'accord. On se dit, ah, Jean-Claude Van Damme, ok. Ah, d'accord. Donc, c'est un argument de belgitude dans les deux sens, dans le sens positif et dans le sens négatif. Et le sens négatif, beaucoup. Oui, bien. Alors, Emily Deakin, c'était l'actrice principale de Rosetta, donc le film à succès des frères Dardenne. Oui, bien. Et bizarrement, tous ces artistes sont partis à Paris, où le cinéma est plus développé de nouveau. Oui, bien sûr. Oui, parce que, bien sûr, les maisons de cinéma sont plutôt du côté de la France, qui est un poids économique plus important. En Belgique, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Mais enfin, il y a quand même un ciné. On commence à avoir un cinéma belge, un ciné belga, si existe, ¿verdad? Y si mandamos a los oyentes al cine a ver películas belgas, ¿qué les recomendarías? A ver, dinos títulos. Alors, il y a un film assez récent, je pense qu'il est de 2006. Ah, si. Il s'appelle Dikkenek. Donc, c'est un mot flamand qui veut dire gros coup. Donc, les gens. Un rustico por ahí, ¿verdad? Exactement, Dikkenek. Oui. Et donc, de nek, c'est en flamand. Dikkenek, c'est en flamand. Un nek, c'est le coup. Donc, c'est vraiment un second gros coup. Un second gros coup, oui. Et donc, c'est vraiment le film. Il y a des acteurs belges et des acteurs français dedans, dont Marion Cotillard, par exemple. Et c'est vraiment le film belge avec mais tous les stéréotypes belges, des frites, l'accent belge. C'est magnifique, c'est vraiment un film super. Bien. Mais je ne sais pas si pour les Français, c'est intéressant, mais en tout cas, nous, les Belges, on adore ce film. On rigole parce que c'est tellement vrai, c'est tellement... C'est nous retrouver, c'est nous. C'est vraiment c'est ça, oui. Voilà. Et sinon, j'ai vu un film, c'est un assez vieux film, je pense qu'il vient des années 90. Ça s'appelle Camping Cosmos. Oui. C'est la deuxième partie d'une trilogie, je pense. Et alors, c'est de nouveau une parodie Tout des morts belges. Ça se passe donc dans un camping. Et alors, on se moque de ministres. Tous les stéréotypes, la baraque à frites, enfin, c'est vraiment... Ben oui, remarquez, patatas fritas y mejillones en Bélgica no puede faltar. Es que eso son, bien sûr, realmente, yo voy a ir a Bruselas la semana que viene y espero poder comer patatas con mejillones, que están buenísimos. Es que esos, no se encuentran en ningún sitio igual, ¿no? Le plat national. Voilà, sí, realmente es la paella, es como la paella belga, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Sí, señor, sí. Bueno, pues nada, pues muy bien. ¿Y más tienes para decir? Más o menos esos dos, ¿verdad? Oui, más o menos. Pues muy important. Bien. Pues muchas gracias. Iremos al cine acordándonos de Rosalía. Muchas gracias. Vamos a escuchar un poco de música Jacques Brel, ¿no? ¿Verdad? A ver qué nos ponen. In the port of Amsterdam, there's a sailor who sings of the dreams that he brings from the wide open sea. In the port of Amsterdam, there's a sailor who sleeps while the river then weeps to the old willow tree. In the port of Amsterdam, there's a sailor who dies full of beef, full of cries in the Duncan Town Fair. In the port of Amsterdam, there's a sailor who's born on a hot muggy morn by the dawn's early light. Mais que c'est triste, c'est affreux. Allez, on coupe et on passe à plus gai. Vamos a ver si hacemos una cosa un poco más alegre. Vamos a ver. Nosotros los franceses tenemos una costumbre, cuando contamos un chiste así de esos así increíbles, un poco como aquí los de Lepe, decimos, va, une histoire belge, un chiste belga. Entonces, aproveché y le dije a Rosalía, vous pourriez me raconter des histoires belges? Alors elle m'a dit, oui, bien sûr, oh, on en a des tas. Alors on va raconter des histoires belges et puis on va essayer de voir pourquoi c'est belge et pourquoi, qu'est-ce qu'elles ont ces histoires belges. On va essayer de voir. Alors racontez-nous une histoire belge. Donc j'ai trouvé ces histoires sur Internet et bon, c'est des petites histoires, elles sont pas nécessairement très intelligentes. Il y a des fois, elles n'ont même pas vraiment de rapport avec les Belges, je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'est un effet de mode, les blagues belges. Donc alors, par exemple, comment faire monter 20 Belges dans une deux chevaux ? 20 Belges dans une deux chevaux. Alors une deux chevaux, c'est petit. C'est petit. Hein? Et c'est dos cavalios. Comment mettre 20 Belgas en un dos cavalios ? En un dos cavalios. Eh bien, en mettant une frite à l'intérieur de la voiture. Ay, pues una patata frita ahí dentro y todos van corriendo. Voilà. Pues muy bien, muy bien. A ver, ¿tienes otra? Alors, pourquoi les footballeurs belges vont-ils souvent chez le coiffeur ? A ver, ¿por qué los futbolistas belgas van a menudo a la peluquería ? A ver, yo qué sé. Pour avoir une coupe. Ay, señor, para tener una... Tout le monde sait que les footballeurs belges ne sont pas très, très doués. On ne gagne pas grand-chose, donc évidemment... Ah, bueno, pero aquí para los oyentes hay que explicar una cosa. Es que coupe... para nosotros puede ser une coupe, un corte de pelo, y también puede ser una copa, uh-huh. Une coupe. Entonces, aparte de esa misma palabra, pues tenemos un juego que para traducirlo al español eso es imposible. Ah, oui. Claro, ils vont chez le coiffeur pour avoir une coupe. Une coupe de cheveux, ouais. S'entiende, pero ellos quieren... Claro, porque se supone que no son muy buenas los futbolistas de Bélgica. Muy bien. ¿Algo más tienes? Alors, pourquoi les Belges retirent leurs lunettes quand ils font un alcotest? A ver, cuando les presentan el aparato para soplar ahí, cuando ya han soplado los belgas, a ver, ¿por qué se quitan las gafas? Pour avoir déjà deux verres en moins. Ah, para tener dos cristales, dos vasos menos, claro. De nouveau, je ne sais pas si ahí ça se también, traduit tampoco, en español, tampoco ¿no? Podemos, claro. El problema de la traducción ahí es agudo, ¿verdad? Tú que eres uh-huh. estudiante en traducción. Oye, ¿eso es un tema de estudio en...? Malheureusement, no. ¿No? Pues eso no. Sería un tema de tesina, de tesis, de todo lo que tú quieras. Bueno, si quieres, yo te lo dirijo. Un tema estupendo. Muy bien. Pues mira, yo tengo chistes de Lepe, porque aquí Lepe es un poco el estilo. Por ejemplo, mira, yo también los he sacado de internet, aquí los tenemos. Mira, por ejemplo, mira, ¿sabéis por qué los de Lepe cuando entran en la cocina salen corriendo? Mira, léete la respuesta aquí. Porque hay un bote que dice sal. Sal, claro, un bote de sal le dice sal. Alors, eso para el francés, ¿cómo es qu'on traduirait ça en francés? Traducir eso al francés, no te digo nada. Parce que pourquoi est-ce qu'ils s'en vont pourquoi est-ce qu'ils détalent de la cuisine quand ils entrent, les gens de l'épée? Parce qu'il y a une boîte sur laquelle c'est écrit sel. Mais sel sort. Sel sort, oui. Il n'y a pas de jeu, vous voyez. C'est le problème de tous ces plaisanteries. Hein. Por ejemplo, otro, por ejemplo, vamos a ver. Mira, a ver. ¿Por qué los de l'épée no ponen nunca puertas correderas? Mira, a ver, ¿qué dice aquí? Porque luego no las alcanzan. Alors, des puertas correderas, des portes à glissière, claro, pero no tenemos la idea de correr, entonces después no las alcanzan, des portes à glissière, on pourrait dire, parce que ça les fait glisser, ça les ferait glisser, a lo mejor, tu que sais, c'est vraiment difficile. Dur à traduire, c'est très très difficile à traduire. Mira, aquí, ¿por qué los de l'EP no tienen buzones? Porque hay un cartel que pone correos. Que pone correos, sí, claro. De correos ahí meten la carta. ¡Ay, qué tontos! ¡Qué gracia! Bueno, pues así es un poco lo mismo, ¿no? ¿Verdad? ¿Tienes alguno más, chiste de belga, antes de que terminemos? Une dernière. Donc, ¿pourquoi les Belges vont à la messe avec un seau d'eau? Pourquoi? Porque los belgas van a misa con un cubo de agua. A ver. Pour laver Maria. Pour laver Maria, para lavar a Maria, claro, para el Ave Maria. Lavar y laver. Pour laver, ouais. Marie. Pour laver Maria. Ouais. Bah, on pourrait peut-être y arriver quand même. Pour laver Maria. Lo que pasa es que, claro, pour laver Maria, sí. Pues ese coincide. Ese sí. Ils vont seuls à la messe avec un seul. À supposer qu'ils vont à la messe. Ay, qué gracia. Bueno, pues todos. Entonces, l'histoire belge, alors, on pourrait conclure là-dessus. L'histoire belge, elle représente un petit peu la simplicité des personnes. Est-ce que les Belges sont simples? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça que je comprends pas vraiment. Bon, je pense que les blagues belges, on pourrait dire des belges, on pourrait remplacer, je pense, à part peut-être les blagues sur les frites, bon, c'est oui. belge. Mais les autres blagues que j'ai trouvées, je me dis, mais pourquoi les belges? On pourrait remplacer ça par n'importe quoi. Comme il y a un certain moment, les blagues sur les blondes étaient à la mode, oui, voilà, à la mode, c'est ça. Oui, donc je pense que. La, si, la rubia, ça qui también, non? La rubia, c'est un tonta, si mal, si, eso, non? Mais bon, les blagues sur les belges sont un peu stupides comme ça, mais elles sont. Voilà. Plus gentil que les blagues sur les Français, oui. je vais dire. Ah oui, c'est plus doux, c'est plus doux, quoi. C'est plus doux, voilà. Exactement. Très bien, les blagues belges. Eh bien, écoute, on va s'en souvenir. On essaiera de les retenir, elles sont sympathiques. Et puis finalement, ici en Espagne aussi, on les a. Et ça, ça doit être une méchante idée des Français, certainement. Los franceses han inventado les histoires belges, claro. Eso solo puede venir los vecinos. Ay, qué vecinos los franceses. Bueno, pues, à une autre fois, mes chers amis, on se retrouvera avec d'autres petites histoires. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir.